Chito et Rudy, man. 2008. Ouais, je suis chez moi, straight, chick straight. On va faire ça comme ça. Boss talk. Tout ce que j'entends, c'est impossible, impossible. Don't fuck with me, I won't fuck with y'all. Je suis sur mon shit. Mon gars, je suis sur mon shit. Yo, j'amène quelque chose d'immense, yeah. Une autre dimension, un mouvement dément, yeah. Je rebats mes démons, yeah. Je me démarque, tu fuck avec nous, on te laisse démarque. J'en ai marre, les gens croient qu'on est là pour niaiser. Hey, je suis sur ma zone, je vois personne, calcule personne sonne comme moi quand je performe. Nah, je suis en forme, c'est presque pas humain d'être le disparaît, disparaît, mais je suis disparaît plus loin. T'as pigé, baptisé la ville Real City. Montréal, la rip, si un peu comme New York avec Biggie. Hey, le voyou m'a dit rentre dans la game comme un quickie. So je fais mon stage, je flash, me roule le sticky. Yiki, oh oui, nigga, oh oui. Je parle jusqu'à ce que je forte ton nous, oui. GG, je te fous dehors comme si j'étais la régie. J'ai push le way dehors comme si c'était un régime. De temps impossible, impossible. Don't fuck with me, I won't fuck with ya. Je suis sur mon shit. Mon gars, je suis sur mon shit. Quand je rappe mes barrios, comme Blage le fait de ton l'aile à mi barrio. Pour mes G derrière les barreaux, on connaît les lois encore mieux que ceux qui passent le barreau. On les brise, on les contourne. Yes. Les filles sont excitées, citées. Un gars de la cité, pas besoin de citer, c'est pour vous qu'on tourne. Mon point de vue dans les back right now, I'm back. He's tu peux pas le digérer. Ouais, la piste que tu digérais. Moi je la brère depuis l'époque, avec juste des beats de DJ. Jeune vieux de la vieille, négro je veux ma paye. What? Yeah. Bienvenue dans mon séminaire. Pendant que je fuck la game, tu fais des préliminaires. On t'élimine, yeah. Je suis pas narcissique. Mais avoue que t'as jamais entendu un narcissique. Yes. Impossible, impossible. Don't fuck with me, I won't fuck with you. On dit quoi sur mon shit, gars? Je suis sur mon shit. Yo, tu parles de real hip hop? Yeah, nous on a ça. Je suis une star pour matin d'appel à NASA. Maintenant tout le monde sait que je suis le meilleur. Tout ce qui me reste à faire c'est de vendre des disques comme John Mayer. Yeah, yeah. Alcool dans mon système, boucan dans mes poumons. L'argent dans ma tête, tellement que j'en perds un boulon. T'entends mes verres, bang that shit. Comme la Saint-Patrick. Quand je sors pas d'album, les gars gang pas de drip. Ça sort de mes drips. Pour moi, j'te drip. Party like a rock, party like a rock star. Imposs en hoodie, Rimski en costard. Tout le monde souffre en dents, c'est l'hémorragie. J'ai la riposte du peuple, les mots de rage. G. T'entendras jamais quelqu'un comme moi. Maintenant j'kiss l'underground, goodbye. Moi, yeah. Impossible, impossible. Don't fuck with me, I won't fuck with you. Je suis sur mon shit. Ghetto Rudy, shit. Le black est back, back dans les packs. Alizé à la main, puis un bat à la bouche. J'suis fucked up à la bouche, qui fuck up en Irak. Sauf que mon rap est jamais fait à la poche. Puis j'suis pacifique, pacifique. Ça veut pas dire que tu peux me double cross. J'veux pas faire de toi une victime comme Pierre Laporte. Mais ça peut finir en octobre à la Richard Cross. Pour être explicite, tu veux pas finir dans le coffre. Shit, moi j'veux pas finir des coffres au poignet. Yeah. Quand dans le fond, je veux juste mon podium, c'est juste non. Surtout si je suis sur mon job, comme un homeboy Rob. SMCD Impost, puis le homeboy Rad. Faut se remplir les poches, yes! C'est ça la bise de vendre des records. Faut bien qu'il récompense à tous nos fucking efforts. Marassi, don't fuck with me, I won't fuck with ya. Je suis sur mon shit, yeah. Yo, je suis sur mon shit. Et trois dans les airs. Todos queremos más dinero, pero en primero toca ser el mejor. Luego veremos si eso es verdad. Que sea en rap o que vos vendas crack, o que te gasaciones en Nasdaq. De todas maneras siempre santa paz. En este mundo siempre hablan paz. Y tú sabes quién este se llama Blasnes. Fuck Chávez, porque es el colombiano. Motherfucker, tú sabes que j'arrive ici avec l'haïtiano. Yeah, mon niveau est plus sec que toi. Comme motherfucking 8th patient. Yeah, man. Blaz.